Elle est assise à côté d'un poêle. Et la composition est donc resserrée sur cette femme à côté du poêle. Cette femme a l'air un peu plongée dans ses pensées. Et l'ensemble de la tonalité du tableau est dans les tons de gris, de brun et de vert. On a une œuvre qui est à la fois... comment dire, l'image finalement d'une certaine pauvreté de ce qu'a pu être la vie des artistes à Montparnasse dans l'entre-deux-guerres. Est-ce qu'on a une idée de qui est la femme sur le tableau? Est-ce que ça pourrait être sa femme là? Alors ça pourrait en effet être la femme d'Ephraim Mandelbaum. Il en a fait plusieurs portraits. J'ai presque envie de dire les autres portraits qu'il a fait d'elle ou les photographies qu'on a gardées de Rifke sont beaucoup plus flatteuses. Donc quelque part, j'allais dire, c'est Rifke dans cette image finalement d'une certaine tristesse, d'une certaine mélancolie, plus qu'un portrait réaliste de son épouse. On n'a pas de date de ce tableau. Non, non, il est probablement, je dirais, moi, des années 30. Et c'est un tableau qui est rentré dans les collections du MAJ par l'intermédiaire, si je puis dire, du premier musée d'art juif, qui était un petit musée associatif qui a été créé juste après la guerre par les rescapés et les survivants. Et qui était à l'époque un petit musée situé à Montmartre. Et l'ensemble de la collection a été ensuite donné au Musée d'art et d'histoire du judaïsme en sa création en 1998. C'est le seul tableau d'Ephraim Mandelbaum, et il est un peu pour nous aussi, avec votre rencontre, le début d'une histoire. Me trouver en présence de ce tableau peint par Ephraim Mandelbaum, le père de Sam, me touche particulièrement. J'aime à penser que c'est sa femme qui est représentée dessus, Rifke. C'est comme si seule la peinture, un trait de pinceau, me séparait de l'enfance de Sam et de sa famille. Je me dis que lui aussi a vu ce tableau, qu'il a même peut-être vu son père le peindre. Nous sommes en plein cœur de Paris, dans le sous-sol voûté du musée d'art et d'histoire du judaïsme, le MAJ. Pascale Samuel y est conservatrice des collections d'art moderne et contemporain. Et ce tableau sur un chevalet face à nous est à ma connaissance le seul tableau d'Ephraim Mandelbaum conservé par un musée français. Le MAJ conserve aussi d'autres documents sur le père de Sam, quelques photos de groupe et deux ou trois reproductions d'autres tableaux. Cela me semblait la bonne porte d'entrée pour en apprendre plus sur sa famille et sur sa vie à Paris dans l'entre-deux-guerres. En cherchant sur Internet, j'ai rassemblé des images représentant une quarantaine de tableaux d'Ephraim Mandelbaum. Certains ont été vendus aux enchères en France, aux États-Unis ou en Pologne. Certains sont dans des musées en Israël. La plupart ne sont pas datés, ce qui rend difficile de se représenter son œuvre dans sa totalité ou d'en tirer des informations concrètes. Ah, j'étais ici. Donc, je les ai classés par type, on va dire. Au début, on a plusieurs autoportraits. Alors là, j'ai pas de date non plus, donc c'est... Moi, ça m'intéresse beaucoup, celui-ci, où on voit justement Rifke en train de coudre. Et il faut aussi imaginer que ces artistes qui vivaient finalement très peu de leur travail, bah, ils ont vécu grâce à leurs épouses dévouées, qui, elles, bossaient énormément. C'est elles qui faisaient à ce moment-là bouillir la marmite. Donc cette activité de couture, elle n'est pas anecdotique, c'est pas simplement je recouds un bouton le soir, c'est finalement je fais vivre ma famille. Un peu dans la même veine, on a un certain nombre de portraits que j'ai retrouvés. Il y a une forme de, j'ai l'impression, de systématisme un peu. On a des... Très frontal, très... comme ça, un portrait assez resserré, presque un peu comme une photographie, comme ça, très, très proche de ces modèles. Là, ce couple est très beau. Puis pareil, on retrouve cette femme... Alors, on ne connaît pas l'identité de ceux qui sont représentés. On pourrait imaginer que ce sont peut-être ses parents. Non, dans cette femme, la manière dont elle est vêtue vraiment comme on pouvait l'être en Europe orientale, en Pologne. Dans les années 20, on sait qu'Ephraim Mandelbaum, même s'il s'est installé à Paris et qu'il a son atelier à Montparnasse, il continue de faire des allers-retours à ce moment-là en Pologne. Il expose à Paris et en Pologne. Ces personnages ne sont pas des hommes et des femmes qu'on aurait croisés sur le trottoir à Montparnasse. Ils nous renvoient à un autre territoire, à une autre histoire. Dans le silence qui règne dans cet atelier bien briqué, la roue de la machine et la canette de fil se meuvent avec un petit bruit harmonieux. Le canari saute d'un perchoir à l'autre, se met à chanter, s'envole parfois de sa cage ouverte pour voleter dans tout l'atelier. Un chien, un chat, se baladent ou restent tranquillement couchés dans un coin. À droite et à gauche, sur le mur, quelques tableaux. Un paysage, une nature morte, un portrait, un petit portrait d'enfant plein de charme et une belle tapisserie. En dépit des soucis matériels permanents, on lit souvent une joie tranquille et retenue sur les visages des habitants de l'atelier. Le peintre Ephraim Mandelbaum et son épouse Rivke, qu'il appelle Ivouche. Rivke se lève de temps en temps de sa machine pour aller jeter un œil sur le petit fourneau, qui, ainsi que les ustensiles de cuisine, est séparé du reste de l'atelier par un rideau à fleurs. Son mari, parti peindre quelques jolis coins de paysages parisiens, doit bientôt rentrer, et leur fils unique, Shmuel, va revenir de l'école. Hersch Fenster, nos artistes martyrs, 1951. Voilà, alors ça, c'est un portrait qu'on aime beaucoup, sur fond vert, un jeune garçon, adolescent, 13-14 ans, les cheveux bruns, courts, avec des sourcils très prononcés, presque en arête de poisson. Hein. Et puis, là aussi, on a un cadrage très frontal, le garçon nous regarde. Il ressemble beaucoup à une photographie de groupe sur laquelle on voit Ephraim Mandelbaum, son épouse, des amis et leur fils. Donc c'est probablement Sam. Ça, vous pensez que c'est Sam, celui-là ? Ouais. Si on le compare à la photographie du dîner en 1938 chez Hersch Fenster, pour moi, c'est le même garçon. Vous avez la photographie ici ? Ouais. Donc ça, c'est une photographie en noir et blanc. Elle a été prise en 1938. On comprend que c'est un dîner de fête. Au centre de la photographie, on a justement Hersch Fenster, qui était un journaliste qui travaillait pour les journaux en yiddish à Paris, qui était un grand ami d'Ephraim Mandelbaum. On voit Ephraim Mandelbaum, donc à l'extrémité à droite. Ils sont tous autour de la table. Donc on a Hersch Fenster au centre, Ephraim Mandelbaum sur le côté droit. On a un autre artiste, Léon Weisberg, qui est ici. Jacob Machnik est également artiste. Et cette tête d'adolescente, vous voyez, qui ressemble énormément au tableau là, qu'on est en train de regarder, à cette image donc, de ce jeune garçon sur fond vert. Vous voyez la forme de son nez, ses sourcils, ce côté comme ça un peu frontal et prêt à rentrer d'un peu dans la mêlée. On le sent un peu en colère quand même, ce jeune adolescent. Et c'est une peinture qui est probablement... en termes de date contemporaine de cette photographie. Donc autour de 1938. Donc Sam a 15 ans. Lorsque père et fils arrivent à la maison, le père avec sa boîte de couleurs dans une main, une toile dans l'autre, il y a déjà sur la longue table de chêne une salade verte toute fraîche, une assiette de carottes râpées, du pain. Parents et enfants se mettent à table. La mère de famille apporte des pommes de terre ou un peu de légumes bouillis. C'est à peine si l'on y perçoit le goût d'un petit morceau de beurre. Si quelqu'un vient, il faut qu'ils prennent place à table et partagent leur repas, ou au moins qu'ils boivent un verre de thé avec eux. Le peintre s'allonge ensuite un peu sur le sofa, à côté duquel se trouvent des étagères avec des livres en yiddish, les œuvres des classiques yiddish. Il prend un livre de Mendele, de Peretz, de Sholem Aleichem, et s'y plonge après avoir chaussé ses lunettes. Une fois reposé, il se remet au travail. Parfois, il sort pour peindre, parfois, il peint à la maison. Vers 5 heures, arrive à l'atelier un autre artiste, un écrivain. Avant d'aller au dôme, on passe d'abord chez les Mandelbaum. Donc voilà le fameux livre... s'appelle « Nos artistes martyrs », donc est publié en 1951 à Paris, en yiddish, « Unserhof Arpeinigte Künstler », que le musée a traduit récemment, donc il y a 2 ans. Et donc dans ce livre, il y a 84 chapitres pour 84 artistes, j'ai envie de dire emportés par la Shoah. Alors certains ont été arrêtés, déportés, ne sont pas revenus, d'autres sont morts de maladies, de mauvais traitements, sont laissés mourir ou même... ont mis fin à leur jour dans cette période sombre de l'histoire. Et donc Hersch Fenster, dans son livre, il consacre un chapitre à Ephraim Mandelbaum, qui est un des plus longs chapitres d'ailleurs. C'est le texte de Fenster, écrit en 1951, après donc la disparition d'Ephraim Mandelbaum, est pour nous une des sources les plus directes sur ce qu'a été la vie d'Ephraim Mandelbaum. Depuis sa naissance en Pologne, à Lublin, il grandit à Lodz. Enfin voilà, on a dans ce livre toutes les étapes. C'est plus d'ailleurs un livre sur la vie, la biographie de l'artiste, sa trajectoire, qu'un livre de critique d'art sur sa peinture. Donc c'est une source qui est fiable, puisqu'il l'a bien connue. C'est une source qui est directe. Ce n'est pas des propos rapportés, c'est vraiment des souvenirs d'un temps de vie partagé. Le livre d'Hersch Fenster apporte un témoignage inespéré sur le père de Sam. Il est aussi complété par un autre livre en yiddish, publié en 1963 par le journaliste critique d'art Ril Aronson. Ces deux ouvrages me permettent de me rendre compte de la vitalité du milieu artistique dans lequel Sam a grandi. Pour moi, l'école de Paris, dans l'histoire de l'art, c'était surtout les artistes étrangers arrivés à Paris avant la Première Guerre mondiale. Modigliani, Picasso, Chagall, Zadkine ou Fujita. Mais je me rends compte que ces grands noms dissimulent des centaines d'artistes, la plupart juifs d'Europe de l'Est, qui sont arrivés dans l'entre-deux-guerres. Beaucoup se sont installés à Montparnasse, où de nombreux ateliers étaient disponibles, comme dans la rue Campagne Première, où Sam a grandi au numéro 9. Sur un recensement de 1931, disponible sur le site des archives de Paris, je vois que dans ce même immeuble habitent alors aussi les peintres Zygmunt Meknès, Ossip Lubitsch, Georges Malkin ou Anna Morstadt. À peine 500 mètres plus loin, sur le boulevard Montparnasse, se trouvent les brasseries devenues célèbres, le Dôme et la Rotonde. Sur leur terrasse se retrouvent tous ces artistes et en particulier celles et ceux qui parlent yiddish. Et je me dis qu'Ephraim y a peut-être rencontré un journaliste et écrivain né en Pologne, un certain Wolf Wiewiórka. C'est tout à fait possible, mais ce n'est pas certain. Annette Wiewiórka, historienne et petite-fille de Wolf. Ce qui me fait dire cela, c'est qu'il me semble que Wolf Wiewiórka fait connaissance avec un peintre qui a connu Ephraim Mandelbaum, qui est Jacob Machnik. Et il me semble qu'il fait la connaissance de Machnik après l'exode à Toulouse ou à Montauban, dans le sud-ouest. Alors ensuite, bon, c'est les limites de toute enquête. Machnik et sa femme se retrouvent aussi à Nice et ils sont déportés le 28 octobre 1943 dans le convoi 61, qui est le convoi où mes grands-parents sont eux aussi déportés. Donc on n'arrive pas trop à déterminer si, par exemple, les Machnik, les Mandelbaum et les Wiewiórka se connaissaient avant-guerre. Comme on dit dans mon métier, dans l'état actuel des sources, on ne peut pas savoir. Pourquoi vos grands-parents arrivent à Paris début des années 20 ? On dit, comme une expression toute faite, ils fuyaient les pogroms et l'antisémitisme. Or, ce n'est pas tout à fait exact, puisque l'immigration de Wolf Wiewiórka répond au désir de fuir un milieu religieux étouffant, le milieu hassidim, et d'être écrivain. Il n'est pas tout seul. Arrivent à Paris de très nombreux écrivains, artistes, plasticiens. Paris a été un centre de culture yiddish pendant l'entre-deux-guerres. Ce qui correspond assez bien au témoignage que j'ai sur Ephraim Mandelbaum, qui serait venu parce que installé à ce moment-là avec sa femme dans un shtetl de Galicie, donc du sud de la Pologne, il ne voyait pas de débouché à sa carrière artistique en restant en Pologne à ce moment-là. On a tendance à parler beaucoup de ce milieu artistique, mais ce qui est intéressant dans les nouvelles qui sont écrites par Wolf Wiewiórka, par votre grand-père à ce moment-là, notamment dans deux recueils qui s'appellent Est et Ouest et Déraciné, c'est la grande diversité en fait de ces personnes qui arrivent de l'Europe de l'Est. Il n'y a pas que des artistes qui habitent à Paris à ce moment-là. En fait, pour moi, l'image, c'est l'image du tailleur. La Pologne est dans un état désastreux quand elle renaît comme nation après la Grande Guerre. Et il y a plusieurs centaines de milliers de Polonais qui viennent travailler en France dans les mines du Nord, les mines de Saint-Étienne, dans l'agriculture. Donc c'est d'abord une immigration qu'on appellerait économique. Et la figure typique, c'est le casquetier ou le tailleur ou le fourreur. Donc en fait, on aurait deux images, celle de ce prolétariat juif, même si le terme de prolétariat est peut-être discutable pour cette poussière de petits ateliers, et puis de l'autre côté, cette vie culturelle yiddish, les deux n'étant pas totalement incompatibles, parce que vous pouviez écrire tout en étant tailleur. Ephraim Mandelbaum aime peindre dans les tons de gris vert les vieux murs, les masures voûtées, les marchés au petit matin avec leur étal de fruits et légumes, les ânes attelés à de vieilles carrioles villageoises, les natures mortes. Il y met beaucoup de sensibilité. Il aime aussi faire des portraits, et tout particulièrement de vieux juifs. Mandelbaum, qui parle rarement de lui-même, me raconte un jour, avec un sourire triste, son enfance et sa jeunesse pauvre, la misère qui régnait chez son père. Mais il change rapidement de sujet en faisant un geste de la main comme pour dire « mieux vaut ne pas en parler ». Il y a un imaginaire qui revient toujours, en particulier dans les textes de votre grand-père, dans les nouvelles de votre grand-père, mais aussi dans beaucoup de tableaux de cette période-là. C'est l'imaginaire du shtetl, de ce village originaire dont ils sont issus de Pologne. Quelle est la relation qu'ont ces exilés avec cette culture dont ils viennent? Dans les nouvelles de Wolfgang Jurka, il n'y a aucune nostalgie du shtetl. Il n'y a aussi aucun rejet de la culture yiddish, bien au contraire, parce que pour lui, être juif, c'est parler yiddish, et c'est s'inscrire dans la tradition des très grands écrivains, Mendeley, Moirer, Sforim, Peretz, et Shalem Alerem, bien évidemment. Il y a un texte que je cite, qui est écrit dans cette période terrible de 38-39, où, comme écrit Wolfgang Jurka, il est si difficile d'être juif et il est impossible de ne pas l'être, puisque le nazisme détricote ce qui a été l'assimilation. À partir du moment où vous êtes désigné comme juif par la race, je mets des guillemets, c'est-à-dire par l'ascendance, vous annulez toute possibilité d'être un Allemand comme les autres ou un Français. Vous êtes obligé d'être juif, même si vous ne vous sentez absolument pas juif. Et Wolfgang Jurka écrit « Nous devons être fiers, non pas d'avoir donné au monde les Spinoza, Karl Marx, Einstein ou Freud, mais les Mendeley, Peretz, Shalom Hash. » Et il dit, et là, bien évidemment, et malheureusement, il se trompe, quand tout ça sera terminé, nous serons réintégrés dans les nations comme nation qui a été fidèle à sa culture. Ce qu'il n'imagine pas en 38-39, mais qui pouvait l'imaginer, c'est que ce monde sera englouti. Avant d'être englouti par la Shoah, la vie de la famille Mandelbaum avait déjà été percutée par la guerre. Selon les témoignages regroupés par Hersch Fenster, Ephraim Mandelbaum a été accusé de trahison en Pologne durant la Première Guerre mondiale et menacé de pendaison. Sauvé in extremis, il aurait développé une maladie psychique qui le conduisit plusieurs fois à l'hôpital psychiatrique. Une première fois à Vienne à la fin de la Première Guerre mondiale, une seconde fois à son arrivée en France. Grâce à Sandra Saïd des Archives de Paris, j'ai pu mettre des dates sur cet internement. Ephraim entre le 27 septembre 1926 à l'hôpital Sainte-Anne, pour mélancolie suicidaire. Il est transféré deux jours plus tard à l'hôpital de Ville-Évrard, en banlieue parisienne, puis à l'hôpital de Dury-les-Amiens. Il ne sortira que le 17 mars 1928, soit plus de 18 mois plus tard. Selon Hersch Fenster, il y aurait peint de nombreux portraits de patients et de médecins. Mais que sont devenus ces tableaux? Perdus, ou pillés, j'imagine, après l'arrestation d'Ephraim et de Rivke Mandelbaum, lors de la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942. Ils seront tous deux assassinés à Auschwitz, quelques semaines plus tard. Do you read Yiddish? I read printed Yiddish. Okay, do you want me to help you? Samson Moon est le neveu du peintre Jacob Matchnik, l'un des amis les plus proches d'Ephraim Mandelbaum. Jacob apparaît d'ailleurs sur la photo de groupe que j'ai vue au musée d'art et d'histoire du judaïsme. On le voit grand et maigre, les cheveux en bataille, juste derrière Sam. Samson habite aux États-Unis. Depuis des années, il collecte les œuvres de son oncle. Il y a quelques mois, il est passé à Paris avec sa femme et son fils pour scanner et traduire des lettres de Jacob Matchnik. Cette correspondance en yiddish, polonais et parfois français a été conservée à la bibliothèque de la Maison de la Culture Yiddish à Paris. Je lui demande ce qu'il espère trouver dans ces lettres. Je pense que j'espère trouver la vérité. Je vais probablement surtout découvrir des faits. Pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose, la vérité et les faits. Les lettres sont toutes datées, avec une date et un lieu. Alors ça m'aidera peut-être à comprendre quand et où il a été. Est-ce que c'est d'une importance vitale ? Pour moi, ça l'est. J'aimerais savoir. J'aimerais connaître son histoire précisément. Plus je la connais précisément, plus j'insuffle de la vie à ce qui nous en reste. La raison pour laquelle je cherche, c'est que j'ai l'impression que mon oncle a été privé de vie. Je sais que c'est le cas. Il a été assassiné par le Reich. Il a été assassiné à l'âge de 39 ans. J'ai donc l'impression que tout ce qu'il aurait créé jusqu'à 49 ans, jusqu'à 59 ans, jusqu'à 69 ans, peut-être 79 ou 89, tout cet art nous manque. Il a été privé de tout l'amour qu'il aurait pu recevoir. Nous avons été privés de tout l'amour qu'il aurait pu donner. Les enfants qu'il aurait pu avoir sont absents. Pour moi, chercher des informations sur lui et ses tableaux, les conserver, les exposer, c'est ma façon modeste de lui redonner la vie dont il a été privé. Ce n'est pas à moi de le faire, mais j'ai la possibilité de le faire. Comme je vois que personne d'autre ne le fera, alors je le fais. Le père de Samson était sculpteur dans les années 30. Il a aussi vécu un temps à Montparnasse, chez son frère Jacob Matchnik, sa femme Sonia et sa belle-sœur Fanny. Après la guerre, il a émigré aux États-Unis. Mais dans les années 50, au cours d'un voyage en France, il a cherché les tableaux de son frère. Il les a retrouvés chez un cousin de sa belle-famille et il a dû se battre pour en racheter la moitié. Depuis les années 90, Samson a pris la suite de son père. Il guette sur Internet les ventes aux enchères pour racheter les tableaux de son oncle. Certains réapparaissent en Allemagne, sans qu'il sache s'ils ont été achetés légalement ou bien pillés. Il a donc chez lui plus d'une centaine de toiles, qu'il restaure et prête pour des expositions dans le monde entier. Et alors que Samson scanne les lettres de son oncle, il me dit que parfois dans ses ventes, il a aussi remarqué les tableaux de Sam. De temps en temps, je vois ses peintures à vendre. Je n'ai pas assez d'argent pour acheter autant de peintures que j'aimerais acheter. Et vous savez, il m'arrive souvent de tomber sur une très belle peinture d'un artiste de l'école de Paris qui a survécu à l'extermination des Juifs. Et j'ai envie de l'acheter, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent. J'ai donc décidé d'utiliser le peu d'argent que je peux consacrer à ça pour aider ceux qui sont morts. Mais même ça, c'est injuste. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un d'autre qui achète les tableaux de ceux qui ne sont pas morts mais qui ont souffert. Parce qu'ils ont tous souffert. Même ceux qui ne sont pas allés dans les camps. Ceux qui ont seulement été forcés de quitter leur pays, qui ont été forcés de parler une autre langue, et peut-être qui ont perdu des membres de leur famille. Ce sont des souffrances à part entière. Ils ont tous souffert. Je ne sais pas grand-chose au sujet de Samuel Mandelbaum. À ma connaissance, il n'avait plus de famille après la guerre. Sans parents, sans diplôme ou sans certificat pour trouver un travail. Je ne sais pas s'il avait des oncles et des tantes. Je ne sais pas s'il avait des cousins. Je pense qu'il était... Je suis ému en pensant la douleur qu'il a ressentie. I am sure he had tremendous pain. Je suis sûr qu'il a souffert énormément. Je ressens la même chose. Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais rencontré son père. Je n'ai jamais rencontré aucun membre de sa famille. Mais d'une certaine manière, je les ai tous rencontrés. I'm sure the pain was very strong. Et je suis sûr que la douleur était très forte. There must have been strong element of resilience. Il y a dû y avoir des éléments de résilience très forts pour vivre aussi longtemps après la fin de la guerre. Because it was really hard for him. Parce que ça a été vraiment difficile pour lui. I'm sure. J'en suis sûr. En écoutant Samson, en partageant son émotion, j'ai senti comme jamais auparavant l'ampleur de la catastrophe. La perte que Sam a subie, celle de ses parents, des œuvres de son père, d'une langue, des amis comme Jakob Matchnik et de toutes ces personnes assassinées qui faisaient son quotidien d'enfant. Et pour Sam, pour Ephraim, pour Rivke, il n'y a eu personne pour reconstruire leur vie comme Samson le fait pour son oncle. Alors bien sûr, je comprends un peu mieux pourquoi ma grand-mère a pu se lancer dans cette enquête sur Sam. Je comprends aussi mieux pourquoi je me suis lancé à mon tour sur ses traces. Car si ce n'est pas nous, qui d'autre le fera? Je sais que la prochaine étape sera rude, car il me semble nécessaire maintenant d'essayer de retracer ce que Sam a vécu lui-même lors de sa déportation à Auschwitz et les conditions dans lesquelles il a pu en revenir. C'était « Ce souvenir de Sam », deuxième épisode, Ephraim et Rivke, avec Pascal Samuel, Annette Viviorka et Samson Moon. Lecture, Hélène Losseur. Doublage, Daniel Königsberg. Merci à toutes les personnes nombreuses qui m'ont aidé dans mes recherches et dont la liste est sur le site de l'émission. Ce projet a reçu le soutien de l'aide sélective aux autrices et auteurs de podcasts et de créations radiophoniques du ministère de la Culture. Prise de son, Lucien Lefebvre, Christophe Papon et Philippe Thibault. Mixage, Éric Boisset. Stagiaire, Alice de Roche-Lallemand. Attachée de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Un documentaire d'Antoine Tricot réalisé par Séverine Cassard.